Sifax, Bouboche, Labreu. Faut être dans la mentale, ma gueule. Faut que des loves. Que des loves. Faut que des loves. Conne. J'suis dans un film, mais il est réel. T'es passé dans ma ville, on t'a pris ton ML. Tu te rappelles? C'est pas à qui tu parles, je traîne avec des mecs dans leur coffre, y'a des pelles. Toi dans ton équipe y'a que des vendus. Vendus. Pour nous c'est jamais tendu. Jamais, jamais. Allez tous niquer vos mères, même quand on s'est fait rodave, on n'a rien rendu. Rien. Quand tu parles avec moi, lève pas tes mains. Mais pas qu'à des contrats, je pourrais te lever demain. Je suis là demain, je me reconnais même pas. J'ai sorti un calibre pour aller à Philippin. Y'a trop de comédiens, je vais leur montrer que c'est pas sur les mêmes plans qu'on est monté. C'est pendant qu'ils dormaient, nous qu'on est rentré. Pendant qu'ils ronflaient. Bah ouais, je suis dans un délire, dans le bolide, dans mes délires. Envoie le colis, on reste poli. Sinon va niquer tes morts, appelle la police. Je rappe que pour les loups. Pour mes côtés, faut être prêt. Je les mets tous à bout. Ils voient des sous, mais ça fait ce que je fais. Dans la cour des grands. Pour traîner avec moi, faut avoir du cran. Bah ouais, connu. Faut savoir mettre les gants. Surtout pas perdre tes couilles sur un plan. Sinon, ça te met à l'amende. Ça te met une amende, et tu vas payer. You know, je suis pas un enfant. J'sais me défendre, j'crois des meurtriers. Faut des loups. Je prends plus des sacs à main. Hein? C'est fini les arracher, ça va chez eux les attacher. Je suis pas dans un film, hein, mais tu peux filmer. Ah, t'es dans un bourbier, tu l'as poussé, mais il t'a barbé parce que faut du papier. Il est là. Donc en plein Paris, on a rempli de barrières. Même quand je suis en haisse, y'a de l'espèce qui rentre. Quand j'ai une fiche interdite, je me rends. Hein? Hein? Quand tu veux, je me range. Mais 800 meufs dans sa chatte, ça rentre. Diamant sur la montée, ça te casse ton poignet. Tâche ta roue. Si, il pourra témoigner quand on allait voler, t'étais pas encore né. Ou je sais pas, tu t'as foutu dans le nez. Peut-être je m'en bats les couilles. On craint pas les couilles, ouais. Ramène qui tu veux sur le côté, y'a un six couilles, ouais. Morceau, tu paries, je lui mets dans la chepouille, ouais. Bang, bang, bang, tes potos, ils sont où? Ils sont où tes potos? Je suis pas encore refait. Non. Mais je suis pas du genre à craquer. Je suis à braver. Avant qu'ils nous enferment. Hein? Va faut aller braquer. J'suis dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Pour traîner avec moi, faut avoir du cran. Bah ouais, cognon. Faut savoir mettre les gants. Surtout pas perdre tes couilles sur un plan. Sinon, ça te met à l'amende. Ça te met une amende. Et tu vas payer. You know, je suis pas un enfant. J'sais me défendre, j'crois.